Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, l'islam sur le divan, une série de Seham Boutata réalisée par Alexandra Longuet avec la bourse Gulliver. Au départ de cette série, il y a une documentariste aux origines syriennes qui se demande pourquoi elle refuse de s'allonger sur le divan et l'envie de savoir si d'autres, qui se sentent appartenir au monde musulman, sont eux aussi réticents. Et puis, l'envie d'explorer les villes, les langues, les cultures et l'histoire de l'Orient et du Maghreb pour voir où finit par se nicher l'espace de l'analyse dans les parcours de chacun. Et enfin, se demander si cette science bourgeoise, judéo-chrétienne et européenne peut réellement s'adapter partout, ou si peut-être sous d'autres noms et avec d'autres usages, elle n'existe pas déjà plus ou moins depuis longtemps, un peu partout. Alors pour commencer, les personnages. Des psychanalystes qui persistent, des patients qui se méfient, des malades qui se croient fous, des analysés qui tâtonnent, des femmes qui cherchent de l'air, des analystes entre deux rives et le souvenir vivant de Frantz Fanon. Ensuite le décor. 10 psychanalystes pour tout un pays, les souvenirs de la guerre, ceux de l'indépendance et celui de la décennie noire, des talibs, la colonisation qui occupe les esprits, des espaces extérieurs réservés aux hommes et la ville et la mer en toile de fond. Aujourd'hui, 3e épisode, on est à Alger. Psychanalyse. Ben vous, ici, le divan. La psychanalyse, quoi. Je trouve ça débile. Pourquoi vous êtes venu alors? L'homme conscience, l'homme identification et l'homme même sujet n'existent pas dans la pensée arabe. Vous ne m'avez jamais comprise. Est-ce que vous pensez que l'islam et la psychanalyse sont compatibles? Est-ce qu'on peut faire une analyse sans se sentir citoyen? C'est pas en arabe qu'on trouvera des difficultés pour traduire censure et refoulement. Alger, du trauma au déni, décoloniser l'esprit. Seham Boutata et Alexandra Longuet. Ce qui est symptomatique du côté de la psychanalyse en Algérie, c'est que je crois que c'est un des rares pays arabes où il n'y a pas de mouvement analytique. C'est ça le symptôme de la psychanalyse en Algérie. Karim Al-Azali, psychanalyste. Il y a un problème dans l'idée de fabriquer une construction qui aurait de l'avenir. Il y a quelque chose où le sentiment d'avenir, qu'on peut écrire même en deux mots, ce qui est avenir, est bouché. Il y a un autre plan qui est la manière dont les liens ont été cassés. Faire lien dans le collectif est quelque chose qui ne va pas de soi. Or, un collectif analytique, c'est faire lien. Il y a une espèce de façon de vraiment croire que quand on ne parle pas des choses, c'est comme si elles n'existaient pas. Alice Cherki, psychanalyste. Que si ça n'est pas dit, ça n'a pas eu lieu, ça n'existe pas. Que ce soit Alger, Djeli ou Tlemcen, c'est comme ça. C'est très, très frappant et ça se ressent. Donc, il y a quand même, d'une part, ce vieil argument, mais qui continue à sévir dans l'atmosphère sociale, qui est que la pratique de la psychanalyse, le but ou la finalité, est quand même de permettre à l'individu d'acquérir une liberté de sujet, et un sujet libre, manifestement se pose comme citoyen. Il réfléchit sur sa place dans la cité, ce qui n'est pas très compatible avec la tendance à des pouvoirs qui veulent justement des sujets passifs, assujettir. Alors ça se fait souvent au nom du « nous » qui s'oppose au « je ». Donc ça, c'est la première chose qui est un obstacle, incontestablement. Et le deuxième obstacle est quelque chose, mais qui s'accentue beaucoup depuis la guerre civile, justement, qui est la non-inscription de la temporalité. C'est-à-dire qu'on vit intensément les choses dans le présent, mais ça ne s'inscrit pas comme trace. C'est comme s'il n'y avait pas la possibilité d'organiser des traces qui fassent un passé, un présent et un devenir. C'est très, très singulier. Or, la psychanalyse ou la pratique psychanalytique s'intéresse aux traces. Et comment retrouver des traces pour en faire des souvenirs qui soient acceptables dans le présent ? L'Algérie est un pays jeune qui porte les séquelles d'une histoire coloniale douloureuse, mais aussi de la décennie noire. L'avènement des islamistes, le terrorisme, la censure ont provoqué l'atomisation de la société intellectuelle. Le milieu psychanalytique ne fait pas exception, et les rares thérapeutes aujourd'hui peinent à faire exister cette discipline au sein d'une société fragmentée qui cherche son identité entre tradition, religion et modernité. Je vous ai compris. Vous ne m'avez jamais comprise. Je sais ce qui s'est passé ici. Vous n'avez jamais eu de vrai contact avec moi. Pourquoi ? Ce que vous avez voulu faire. C'est la dernière fois que je viens vous voir. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie... Aujourd'hui, vous ne vous énervez même pas. C'est que vous avez compris aussi que nous sommes vraiment arrivés à la fin. C'est celle de la rénovation et de la fraternité. Psychanalyse, je pense qu'elle est arrivée avec France Fanon. Taïka Medjahed, psychanalyste. France Fanon, qui a côtoyé les révolutionnaires espagnols qui ont fui la guerre d'Espagne et qui sont installés en France, à Saint-Alban. C'est auprès de François Toscaïès que France Fanon a appris sa psychiatrie. Il a opté pour travailler en Algérie en important avec lui toute cette... psychothérapie institutionnelle. Frantz Fanon, par exemple, quand il est venu en 54 à Blida, il a trouvé les malades attachés, les indigènes, hein, les musulmans, parce qu'il y avait deux régimes. Il y avait le régime des Européens et celui des indigènes. Les indigènes étaient attachés aux arbres. D'ailleurs, si vous regardez les photos des hôpitaux, vous allez voir, il y a encore, jusqu'à maintenant, les traces de cette discrimination, ce traitement inhumain pour les malades indigènes. On les appelait indigènes à l'époque. Le racisme, nous l'avons vu, n'est qu'un élément d'un plus vaste ensemble, celui de l'oppression systématisée d'un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime ? Ici, des constantes sont retrouvées. On assiste, normalement, à la destruction des valeurs culturelles, des modalités d'existence. Le langage, l'habillement, les techniques sont dévalorisées. En réalité, les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter les cultures. La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée, l'asservissement, au sens le plus rigoureux de la population autochtone est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se doublent d'une mise à sac des schèmes culturels, ou du moins conditionnent cette mise à sac. Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées. Les lignes de force écroulées n'ordonnent plus. En face, un nouvel ensemble imposé, non pas proposé, mais affirmé, pesant de tout son poids de canon et de sable. La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l'observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée qu'une disparition totale de la culture préexistante. Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l'avenir, se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l'oppression. La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. Et Frantz Fanon, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a essayé de faire de la psychothérapie institutionnelle à Blida, dans cet hôpital de Joinville, et... comme il a vu que les indigènes ne se mélangeaient pas, il était toujours réservé, alors il a ramené des chanteurs, il a créé un café mort, il a même fait une mosquée. à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'il a mis de l'humain dans ses rapports. Voilà. En Algérie, les barbus peuvent sourire avec déjà un tiers des sièges au premier tour des élections législatives. Les intégristes du Front islamique du salut apparaissent comme les grands vainqueurs du scrutin. Ils sont bien placés pour obtenir la majorité absolue au Parlement au second tour le 16 janvier. En ce vendredi, jour de prière, 10 000 fidèles se sont rassemblés à la mosquée de Kouba sur les hauteurs d'Alger. Des islamistes survoltés promettant l'enfer aux opposants, aux mécréants, aux incroyants. Et puis arrivent les années 90... Les années de toutes les horreurs, tout le pays baigné dans une folie meurtrière, inracontable, inénarrable. On ne pouvait même pas mettre des mots sur ce qui se passait. Les sentiments, les ressentis étaient coupés de ce qu'on voyait. Il y avait un clivage qui s'est opéré dans le moi de chaque sujet algérien. Et on avançait comme ça, c'est-à-dire qu'on essayait d'enlever les sentiments, les ressentis de ce qu'on voyait, et on continuait à travailler comme si on n'était pas concerné, comme si c'était rien. C'est un cauchemar qui allait passer. Sauf que ça a duré 10 années. Je ne sais pas si vous avez lu « L'écume du jour » de Boris Vian, mais j'avais l'impression que j'étais comme ça, que tout se rétrécissait, que je manquais d'air. J'étais opprimée, c'était de l'oppression. Mais il fallait continuer à travailler, il fallait continuer à rester debout, quoi. On essayait d'épargner le peu de choses qui nous reliaient à la vie. Vraiment, on était dans le mortifère. C'était un climat meurtrier, mais en même temps très schizophrénique. Tout invitait à la mort et non pas à la vie. On nous poussait au repli sur soi, à la solitude. Et surtout pas ni travailler, ni penser, ni réfléchir, ni vraiment rien. Rester chez soi, à cette époque-là, les gens se sont mis à se barricader, les portes se blindaient. Vraiment, on était dans des prisons à ciel ouvert. On a vu mourir plein de gens sous nos yeux, et puis les menaces. C'était la terreur. Et donc, à ce moment-là, je commence une analyse chez Bernard Choraquet à Paris, parce qu'à l'Institut national de santé publique, là où je travaillais, je me déplaçais souvent, et donc j'arrivais à faire des tranches d'analyse comme ça. C'est comme ça que j'ai fait 15 années d'analyse, où j'ai pu m'approprier mon histoire, ma propre histoire, et l'articuler à l'histoire du pays. Une histoire où le trauma, il est là. Depuis que je suis née, j'ai traversé plusieurs guerres. Et c'est vraiment, il faut penser ce trauma et dire pourquoi ce trauma. Pourquoi vous avez fait le choix de faire votre analyse à Paris? C'était parce que vous ne pouviez pas la faire ici en Algérie? Il n'y en avait pas. Les psychanalystes qui en avaient, ils sont tous partis. On assassinait les penseurs de ce pays. Et le premier qui a été assassiné, c'est professeur Boussepsi. Boussepsi, c'est un psychiatre qui était chef de service de l'hôpital de Delit Hossine. Il a été assassiné à la porte de l'hôpital. Il a été égorgé. Il faisait partie de ces intellectuels qui disaient « non, on ne cédera pas ». Son assassinat, plus ceux des journalistes, a amené plein de psychiatres et psychanalystes à quitter le pays. C'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui, partout dans le monde, les psychiatres et les psychanalystes algériens. Mais l'homme visé par ce racisme, le groupe social asservi, exploité, désubstantialisé, comment se comporte-t-il? Quels sont leurs mécanismes de défense? Quelles attitudes découvrons-nous ici? Fanon l'avait entendu quand, par exemple, il disait « l'inconscient, c'est politique » et que la psychiatrie, c'est politique, il voulait dire quelque chose que l'on vérifie aujourd'hui, c'est que toutes les représentations d'oppression des personnes, quand elles n'arrivent pas à se situer comme sujet, fait qu'ils sont soit voués à une espèce de pétrification du corps, de sidération, soit à une espèce de violence erratique et innommée. Retrouvons la tradition, la vivant comme mécanisme de défense, comme symbole de pureté, comme salut, le déculturé laisse l'impression que la médiation se venge en se substantialisant. Ce reflux sur les positions archaïques, sans rapport avec le développement technique, est paradoxal. Les institutions ainsi valorisées ne correspondent plus aux méthodes élaborées d'action déjà acquises. La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamisée de l'intérieur, elle est clamée. Et cette revalorisation d'emblée, non structurée, verbale, recouvre des attitudes hautement paradoxales. Les coutumes, traditions, croyances, autrefois niées et passées sous silence, sont violemment valorisées et affirmées. Le passé, désormais constellation de valeurs, s'identifie à la vérité. La manière dont on construit l'histoire de la psychanalyse dans une société, ça indique notre rapport à l'histoire en général. Et en Algérie, c'est un rapport qui est complètement fissuré. Karim Al-Azali, psychanalyste. Le fond du problème à l'arrière-plan, c'est cette question de la parole. Et le rapport aux censures internes. Ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont censurés. Vous dites à quelqu'un qu'il est censuré, vous ne dites pas du tout. La parole, c'est le véhicule de nos pensées intimes. C'est ça la psychanalyse, c'est rien d'autre. Ce qui fait qu'une analyse fonctionne, c'est que tout à coup, quand quelqu'un se met sur un divan et qu'il découvre qu'il en dit bien plus que ce que lui pensait avoir même dans sa tête. La psychanalyse commence là. Mais pour ça, il faut que ça soit reconnu. Il faut qu'il y ait une place socialement à la possibilité d'être différent. Mais la différence, elle n'est pas juste une différence apparente. Elle entre soi et soi-même, la vraie différence. Elle est le fait d'accepter que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous découvrez que vous êtes multiple. C'est pas schizophrénique, hein. Et donc, pour ça, il faut pouvoir qu'à l'extérieur, dans le politico-social, il y ait une place qui soit aménagée. Si la place n'est pas aménagée et que votre propre différence intime, elle est confisquée, vous ne pouvez pas la vivre. Donc vous êtes constamment brimé. Mais vous oubliez, à force de vous être construit comme ça, que vous êtes brimé. Le système totalitaire, c'est pas juste qu'on vous interdit de parler. C'est beaucoup plus sinueux, beaucoup plus pervers que ça. La manière dont ça s'incruste à l'intérieur de votre corps. Les gens sont cassés de l'intérieur. Et ça, c'est une longue histoire de cassure et de silence. Tant que les meurtres de l'histoire entre Algériens ne sont pas mis au travail par les historiens, par les anthropologues, par les psychanalystes, le meurtre continue à l'intérieur. Il y a de la meurtrissure. Donc on balance entre le meurtre de soi et le meurtre de l'autre. Meurtre de l'autre, les années de guerre civile. Meurtre de soi, c'est la manière dont on s'écrase constamment. C'est-à-dire qu'on écrase ses rêves, on écrase ses fantasmes, on écrase ses pensées. On ne sait même plus qu'on est en train de les écraser. L'Algérie, il n'y a pas de psychanalyste, il n'y a pas de possibilité de faire une analyse. Djamila Mebtouche, psychiatre. Alors, la conception de la maladie mentale ou de la souffrance psychique traditionnelle dans la culture arabo-musulmane est toujours imputée à l'autre, que ce soit les autres ou la maladie due à Dieu. La maladie n'est pas subjectivée, elle est imputée à l'autre. Alors, il y a plusieurs causes de la maladie mentale, par exemple le mauvais œil, la sorcellerie, la possession par les démons, les djinns. Et puis, le recours pour traiter la souffrance, c'est les thérapies traditionnelles, notamment le taleb. Les talebs, c'est celui qui détient le savoir religieux et qui traite par la parole divine. Et souvent, ce qu'on a repéré, c'est que les talebs, quand ils sont débordés par certains cas, nous orientent les patients, notamment les psychotiques. Ils traitent plus les hystériques qui répondent à la suggestion, à la catharsis. Ils nous envoient les hystériques débordantes qu'ils ne peuvent pas traiter. C'est très intéressant parce que ça permet aux familles de s'adresser à nous, de s'adresser à la science, au traitement, à la psychiatrie. Et il y en a aussi des familles qui se soutiennent du traitement traditionnel et de la psychiatrie. Les croyances traditionnelles font aussi partie de la vie quotidienne des Algériens. Ils se rendent régulièrement en pèlerinage dans des mausolées, les Aouïas, pour y chercher des réponses et du réconfort. Curieuse d'en savoir plus, je vais à celle de Sidi Abdelrahman. Ce mausolée, que vous voyez ici, a été construit par les Turcs en hommage à Sidi Abdelrahman en 1692. Et si aujourd'hui les gens viennent, ce n'est pas pour vénérer le saint, loin de là. mais c'est un lieu de méditation, d'harmonie, de communion avec Dieu. Il y a cette sympathie qui a cette valeur spirituelle. Donc les gens viennent ici, ils demandent la baraka du saint, sans l'associer dans nos prières, parce qu'entre nous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. On demande sa baraka, mais on ne l'associe pas dans notre prière. La baraka, c'est quoi ? La baraka, si vous voulez, au saint, que Dieu me donne ce qu'il t'a donné. Sois près de moi quand je fais ma prière, sois près de moi. On ne peut pas dire au saint, prie pour moi. Non. Mais il ne peut pas intercéder en ta faveur. Impossible. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu. Et vous me disiez qu'il avait des dons ? Oui, il avait des dons. Il a donné quand même l'explication du Coran. Il a un livre dans ce sens qu'on appelle Jawhar al-Ihsan. Il essaie d'expliquer la valeur du verset coranique sur le plan spirituel, sur le plan moral et physique, et ce qui est très très important sur le plan médical. Parce que vous savez que le Coran en lui-même, c'est un livre sacré, c'est le livre de Dieu, mais cela n'empêche pas que certains versets coraniques, c'est des ordonnances, si vous voulez, divines. Et si Diabdama a expliqué que tel verset, par exemple, il a cette valeur sur le plan médical, bien sûr, pour le stress, pour l'angoisse, pour certains problèmes qu'on peut éviter. Et si Diabdama a expliqué, donc, c'est un don. Donc en fait, les gens qui viennent ici, ils viennent chercher plutôt la méditation ? Bon, quelqu'un de malade, il vient aussi prier Dieu pour la guérison. Une femme qui veut se marier, elle se présente ici, Dieu, aide-moi à trouver un mari. Des hommes également qui viennent ici, Dieu, aide-moi à trouver une femme en fonction de mes espérances. Tu vois, chacun demande. C'est le problème quotidien que rencontrent les gens. Mais c'est quoi alors la différence avec une mosquée ? La mosquée, là, la prière est obligatoire. Là, rien n'est obligatoire. Là, c'est un lieu de communion, d'harmonie. Mais là, on a cette baraka du saint en plus qui est avec nous. Le monsieur qui est à l'entrée, là, et qui distribue les bougies, oui, etc. Oui. Vous m'avez dit qu'il faisait des rokias. Rokia, on appelle ça une rokia. Rokia, c'est quoi ? C'est de l'eau bénite. Par exemple, vous êtes stressé, vous avez cette foi. Vous ramenez une bouteille d'eau, vous lui dites, voilà, je suis un peu stressé. Et lui, il prend la bouteille, que lui, en intérieur, quelques versets coraniques. Voilà, c'est que c'est des versets qu'il a à l'intérieur de l'eau. Il fait un petit, il te la donne. Là, tu bois. Si tu as cette foi, la guérison, c'est à Dieu, c'est pas à lui. Lui, il ne fait que concéder en votre faveur par certains versets coraniques qu'il lit dans la bouteille. Est-ce que ça marche ? C'est à Dieu de décider de la guérison. C'est pas sur la bouteille. C'est pas parce qu'il a lu quelques versets sur la bouteille que Dieu va... Non, tout dépend d'abord de la foi de la personne, la croyance de la personne, sa foi envers Dieu, pas envers le mokata. Okay. Et vous pensez quoi de la psychanalyse ? La psychanalyse, c'est diamétralement opposé. Ça n'a rien à voir avec. La psychanalyse, c'est un truc purement médical, c'est un truc... Saïda, qui habite à Alger, se rend régulièrement à Sidi Abdelrahman. C'est là que je la rencontre. Je ne pense pas qu'il existe de cabinet de psychologue. Sans rêve. Enfin, les cabinets existent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir des psys. C'est pas dans notre culture du tout. Ouais. Surtout qu'il y a ça, on préfère venir ici. Même ici, ça discute, les femmes, elles discutent entre elles, elles échangent des idées, des problèmes, racontent leurs problèmes et tout. C'est mieux que la psy. En même temps, on a le saint, on espère une aide. Une aide spirituelle. Spirituelle, voilà, ça existe, ça. On ne veut pas le montrer, on ne veut pas y croire, mais ça existe. Seulement, il y a toujours des diables aussi. Hein. Les diables existent et ils créent beaucoup de problèmes aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil ou pas ? Oui. Ils peuvent posséder la personne aussi, ça, vous savez. Souvent, la plupart des gens qui viennent ici, ceux qui sont possédés par les diables. Ils ont beaucoup de problèmes. Et des fois, ça marche. Ils ne vont jamais voir les psys, ni rien du tout. Mais souvent, il y a des gens qui sont faibles. Ils ne disent pas, ils ne font pas la prière et tout. Ils sont possédés par le diable. Tu as vu les clochards et tout ça. Souvent, ils sont possédés par des diables maléfiques. Tu crois qu'ils sont possédés par le diable ou c'est une sorte de folie ? Non. Bon, il y a des maladies neurologiques, certainement. Maladies mentales, maladies... Oui, mais le diable, il fait ça aussi. Il fait surtout le mal, et tout ce qui est mal, c'est le diable. Il peut faire beaucoup de mal dans le corps de l'être humain. Surtout quand il possède la personne, il ne veut pas sortir. C'est pour lui, c'est comme un appartement. Parce qu'il vit comme ça, le diable. Il habite dans la personne. Les choses ont évolué depuis 62 jusqu'à maintenant. Abdelrahman Belaïd, psychiatre. C'est-à-dire que les représentations sociales et culturelles de la maladie ont beaucoup évolué. Et on le voit à travers les consultations. Et on le voit à travers les motifs de consultation. C'est-à-dire qu'on voit maintenant se généraliser à tous les troubles que l'on peut imaginer chez l'être humain. Les réticences qui ont fait que le psychiatre était tabou, la psychiatrie était tabou, à travers le psychiatre lui-même, ou à travers les prescriptions qu'il prescrivait. Ce sont des drogues. Ça, ce sont des choses qui ont été modifiées pratiquement dans le fond, d'une manière que ce n'est pas généralisé à toute la population, parce qu'il y a le côté urbain et le côté rural. Mais en fait, d'une manière générale, il y a une acceptation de la consultation en psychiatrie et il y a une acceptation des traitements en psychiatrie. Ceci dit, je ne vous cache pas que souvent, avant de venir nous voir, ils passent d'abord voir ces thérapeutes traditionnels qui sont aussi mis en cause par le retard mis à l'instauration du traitement à la consultation en psychiatrie. C'est ce qu'on appelle, nous, généralement, sous forme de taleb. C'est quelque chose qui est aussi ancré dans nos traditions. Mais c'est le problème des croyances, d'une manière universelle. Il y a des croyances. Il y a ce qu'on attribue par rapport aux signes de la maladie mentale. Et puis, il y a le savoir, c'est-à-dire quels sont les signes qui sont liés à des concepts scientifiques ou d'autres à des concepts culturels. Il y a toujours une confrontation entre les croyances et le savoir. Mais ce qui est sûr, ceci dit, ça n'empêche pas les gens à venir nous voir pour n'importe quel trouble. Et puis, cela était tabou pour les femmes, on voit beaucoup de femmes consulter maintenant. Si c'était tabou pour l'homme en général, mais maintenant on voit que toutes les franges de la société consultent en psychiatrie. À ce qui paraît, j'avais fait une dépression. Hassiba, patiente. J'ai tout jeté mes meubles par la fenêtre. Sauf que je n'ai pas jeté mes enfants, je ne suis pas jetée moi-même. C'est déjà beaucoup. Quel étage ? Premier. Mon médecin, c'était docteur Bouzidi. C'était chef de service. Mais je n'ai jamais compris comment ils se conduisent avec les malades et tout. Ce n'est pas le genre qui discute, voilà. On va là, toi, tu prends ça, ça, ça, c'est tout. Hein. Ils ne discutaient pas. Ça, je suis formelle. Il essayait de parler, mais pas plus de 5 minutes, non. Jamais. Donc il t'a diagnostiqué ? La psychose, moi il m'a jamais dit. En face, il a dit à mon père, il a écrit dans le dossier, que j'avais une psychose. Je sais pas où il a été chercher ça. Et ça veut dire quoi ? Une psychose, c'est quand on imagine des tas de scènes, des films et tout, on imagine que ça va arriver, je pense, hein. C'est comme la schizophrénie, mais c'est moins grave, je pense. Et tu étais d'accord avec ça ? Je n'ai pas d'accord ou pas. Une fois diagnostiqué ce que j'avais, normalement, et puis c'est tout. Et donc après, tu avais des cachets ? Oui, j'avais des cachets que j'ai jetés aux toilettes. Après, ils se sont rendus compte parce que je ne dormais pas. Après, on me mettait des piqûres. Ils se sont rendus compte. Donc tu as fait 2 hospitalisations ou il y en a eu plus ? 5 en tout. D'accord. La première en 96, 98, 2001, 2013, 2013. Ça porte mal dans le 13, j'ai toujours pensé. Et donc, 2 fois en 2013, toujours dans le même hôpital psychiatrique ? Non, cette fois-ci, haute sécurité. Cette fois-ci, c'est à Odessa. Horrible. C'est haute sécurité. Pire qu'une prison. T'as pas le droit d'avoir un miroir, t'as pas le droit de te coiffer, t'as pas le droit de te brosser les dents, t'as pas le droit d'avoir un brosse à dents. Beaucoup, t'as pas le droit. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est pire que l'hôpital ici. Tu deviens cinglé même si tu l'es pas, je te jure. Hein. Oula. Et pourquoi tu y étais la dernière fois ? Tellement il y avait des problèmes que je me souviens plus. Si, je me souviens. J'ai perdu mon héritage. J'ai eu plein de problèmes, des coups de cœur, des trucs. C'était la panoplie totale. J'ai fait n'importe quoi. J'ose pas raconter. Imaginez le reste. Quand vraiment ça s'impose de faire tout un travail pour préparer la personne pour qu'elle consulte un psychiatre et pour prendre des médicaments. Malika Neymar, psychologue. Les gens ont peur des médicaments. Et les gens, ils ont besoin d'être écoutés. Le psychiatre, c'est un thérapeute qui a beaucoup de monde dans sa salle d'attente et tout. Donc, même s'il donne le temps, mais pour les gens qui viennent ici, il ne donne pas assez pour l'écoute, pour un travail sur soi. Il prescrit des médicaments, il voit à peu près le diagnostic et puis il prescrit. Mais les gens veulent parler, veulent être écoutés, veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas, il y a un symptôme, je donne un médicament. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce symptôme? Parce que c'est là, justement. Le noyau, il est là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme? Pourquoi tous ces symptômes-là? Toutes ces maladies-là qu'on voit aujourd'hui, le colon, surtout les angoisses, le stress, le diabète, par exemple, la dépression, le surmenage, oui. Si la psychiatrie a toute sa place aujourd'hui en Algérie, qu'en est-il de la psychanalyse ? J'ai commencé à exercer en 2010. Feyka Medjahed, psychanalyste. En fait, j'avais exercé et j'exerçais comme ça, mais je me suis installée réellement en 2010 en tant que psychanalyste. Ici à Alger ? Oui, toujours à Alger. J'ai jamais quitté Alger. Et vous êtes combien ? Il y a une dizaine de psychanalystes en Algérie. Alors, la psychanalyse n'existe pas dans la nomenclature algérienne. Une nomenclature des métiers de la santé. Ça n'existe pas. Et vous en avez combien ? J'en ai pas des masses, j'en ai 10 depuis 2006. Et est-ce que ces gens ont été voir d'autres personnes avant vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vu des psychiatres ou même des talebs, par exemple ? L'errance, ça fait partie du profil des Algériens. Ils ont essayé, mais pas le taleb. Ils ont essayé des psychiatres, ils ont essayé des psychologues, ils ont essayé d'autres thérapies. Et ils sont venus après. C'est vraiment une démarche. Les premières personnes qui viennent pour demander une analyse, c'est les personnes qui ont, on va dire, un background culturel et qui veulent trouver le meilleur moyen de créer, de produire et de... Ah oui, un lien direct entre la psychanalyse et... C'est vraiment de la création. Mais avec la politique aussi, hein. Le lien est très étroit. C'est vraiment très étroit entre les trois. C'est la conscience de l'individu. Le sujet. Est-ce qu'un sujet, il a sa place dans cette société? Et s'il a, est-ce qu'il peut soutenir sa propre parole? Comment débloquer la parole? Parce que les paroles sont vraiment bloquées. Est-ce qu'on s'autorise à dire « je » au lieu de dire « nous » C'est en cela que cette partie de la population, elle est plus à l'aise, elle est plus demandeuse d'analyse que les autres. Est-ce que, quand ils sont sur les divans, il leur arrive de parler des années 90 ? Très peu parlent des années 90. Mais par contre, beaucoup parlent, beaucoup, pour dire la plupart, parlent de la guerre de libération qu'ils n'ont pas connue, qu'ils n'ont pas vécue. Hein. Mais c'est leurs parents ou leurs grands-parents. La colonisation hante leur psyché, mais pas les années 90. Ils n'arrivent pas encore à parler des années 90. Et comment vous expliquez ça ? Il faut du temps pour que l'événement puisse être parlé, pensé, élaboré et symbolisé. Les années 90, c'est encore très proche. Il faut attendre 50 ans. Il y a eu des tentatives d'insertion de certains psychiatres, psychanalystes ici en Algérie, mais qui sont malheureusement repartis. Abdelrahman Belaïd, psychiatre. Il est bien évident que c'est une psychothérapie de longue durée, donc elle ne cadre pas par rapport à la pratique de la psychiatrie algérienne, puisque quand vous voyez l'histoire de l'Algérie, seulement ces 30 dernières années, on a connu plus de 10 événements funestes, entre tremblements, entre inondations, entre événements terroristes, entre des cataclysmes de tous bords pratiquement, et on avait besoin des psychothérapies brèves pour une grande partie de la population et rapide, chose qui ne peut pas s'adapter par rapport à la psychanalyse. Encore faut-il former des psychanalystes. Donc je n'ai pas d'a priori concernant cette théorie, mais c'est par rapport au manque de savoir-faire. Psychologue, psychiatre, psychanalyste, dans la tête des gens, c'est rare celui qui fait nettement la différence. Khaled Aït Sidoum, psychanalyste. Je veux voir un psy. Ah, oui, psychanalyste, c'est peut-être mieux, c'est plus profond. C'est ça ce qu'ils pensent, les gens. Donc, je recevais de tout type. Des enfants, des adultes, des jeunes, des moins jeunes, pour tous les troubles possibles et imaginables. Et pour vous dire, je suis obligé de refuser 3-4 personnes par jour en disant « j'ai pas de place ». Alors parfois, surtout quand ils demandent un psychanalyste, ils me disent « est-ce que vous pouvez nous orienter vers un psychanalyste ?» Je dis « je ne connais pas à Alger ». Je remarque quand même, surtout pour les suivis au long terme, il y a beaucoup de personnes d'un certain niveau, beaucoup de cadres. À ceci, il faut ajouter beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et comment vous l'expliquez ? Je pense que les femmes dans notre pays, surtout quand elles sont d'un certain niveau, d'une certaine instruction, elles sont soumises à une épreuve beaucoup plus rude dans leur vie. Elles vivent un malaise, un mal-être beaucoup plus important que ceux que vivent les hommes. Et surtout, qu'elles ont moins de recours. C'est-à-dire les hommes trouve certains moyens de dégager, de s'exprimer, d'avoir des activités beaucoup plus multiples que les femmes. Les femmes, chez nous, si vous voulez prendre un café demain, allez-y. Trouvez-moi où est-ce que vous allez le prendre à Alger. Il y a plein de cafés, les femmes sont admises partout. Mais dès que vous voyez le serveur qui vient vous apporter votre café, parfois vous avez envie de partir. Je reçois, ça fait 3 semaines, je crois, de ça, une femme. Elle a un mal-être difficile à gérer, notamment. Elle s'est remariée, ça fait pas très longtemps, son premier mari est mort. Alors, elle m'explique que son mari est gentil, il est courtois, il est ouvert, etc. Mais elle me dit, mais si je veux aller manger quelque part, où est-ce que je vais y aller? Je peux pas aller m'installer dans un café quelque part. Elle me dit, j'ai même acheté un appartement en Espagne pour aller. Mais c'est de temps en temps et la vie de tous les jours. C'est ça le problème, elle me dit. Où est-ce que vous voulez que j'y aille? Elle a un appartement, mais c'est pas la même chose que d'aller en Espagne. On peut pas aller tous les matins en Espagne pour aller dans un resto. La société, de manière globale, elle est violente vis-à-vis des femmes. Elle leur dit, rentrez chez vous, c'est là votre place. راه الوحده خرجت برا بلا سبه بغيت برك نتمشى عيد في زيبو جافي لو سوير ولاف جوسكا كو جونتوند وي زهوني سا ما شويه جو بورت دي لونيت دو فيو ا شاك فوا كان غان دون لا ري مي سور سيت ريبليك بيان دي ايموشن اون موا ريبليك جو لانسولت دون ما تيت اي لا بونج فير لو با بوي اكسيلير مي با سوسي اي تان ريفلكس كو نو لي في اون ا بور ايفيتي كو نو زانسولت اي نو توش سي جامي اون نوس لا فوا. Je marche encore un peu la tête baissée, puis je me permets de la relever. Ma chance, mon champ de vision tombe sur un demeuré qui de suite a cru que c'était pour le scrut dès que ma tête s'était relevée, et qui s'est mis donc à articuler quelques saletés. Je préfère censurer et ne pas répéter ce que de sa bouche j'ai pu entendre et percevoir au risque de passer encore une fois sous la passoire. Et les gens maintenant sont centrés sur le sexe. Malika Neymar, psychologue. Ça ne dit rien, cette croyance, cette foi qui fait que les gens sont voilés, les hommes sont barbus. Mais quand je vois un homme avec la barbe, par exemple, pendant le ramadan, il me dit « Allahumma anna sa'im ». Il dit « j'ai fait 40 », c'est-à-dire, c'est comme si, moi si je suis bien maquillée, je passe devant lui, je lui casse son ramadan, je lui fais du mal. Alors qu'il ne devrait même pas faire attention à moi. il est croyant, il a quelque chose à l'intérieur de lui-même, et donc il n'a pas à faire attention à quelque chose qui est à l'extérieur. Je suis un être humain, je pense qu'il n'a pas à faire la différence entre la femme voilée et non voilée, et la femme qui l'excite. Et le... Tout ça, c'est par arrière-pensée. C'est-à-dire, la foi, elle était vraiment bien intériorisée, c'est-à-dire une bonne expérience intérieure, on ne serait pas quand même dans cette situation. Il y a cette sexualité qui fait qu'elle n'est pas épanouie. Et la jeunesse et toute la population, les gens sont noyés dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne laissent pas passer facilement, parce qu'il y a les interdits, parce qu'il y a le regard des autres, parce que quand la chose n'est pas exprimée, c'est qu'il y aura un retour un jour. Il y a beaucoup de tabous. Il y a maintenant. Les tabous, ils ont fait que la femme, elle a subi beaucoup et jusqu'à présent. Il faut qu'elle donne une bonne image, il faut qu'on parle que du bien d'elle, il faut pas qu'elle se dévoile, il faut pas qu'elle se sente bien, qu'elle exprime son... Il faut pas qu'elle perde sa virginité. Surtout ça. Il faut pas qu'elle perde sa virginité. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que c'est le noyau. Et si chez nous, les gens s'envient jusqu'à 40 ans, jusqu'à 45 ans, les femmes s'envient jusqu'à 50 ans si elles sont pas mariées. Mais et le retour de tout ça? Elles sont vierges, on est content, c'est la sagesse, c'est la femme bien élevée, bien éduquée, c'est la bonne famille. Mais et tout ce qu'elle fait après, ressortir, plein de mots, plein de symptômes, plein de... Lesquels par exemple? Par exemple, la femme, elle se plaint, elle est angoissée, elle déprime, elle a le colon, elle souffre beaucoup. Je pense que c'est tout ce qui a été refoulé qui est là et qui ressort de cette manière. Alors, il faut ajouter aussi le fait que c'est pas seulement la société qui pèse sur elles. Il y a aussi la société qu'elles ont en elles-mêmes, les représentations sociales qu'elles véhiculent. Je vais vous donner un exemple. Une femme, 45 ans, prof d'université, prof de philo, francophone. Un de ses problèmes, c'est que donc elle s'est mariée, elle a un mari très ouvert, qui a beaucoup de moyens aussi, elle a fait avec lui 5 filles, à la recherche d'un garçon. Rien. Elle se sent coupable de ne pas avoir donné un garçon à son mari. Comme si c'était elle la responsable, la seule responsable dans l'affaire. Plus encore, elle est allée à me dire, j'ai fini par dire moi-même à mon mari, tu peux te remarier pour avoir un garçon. Alors bien entendu, c'est pas seulement, j'allais dire, la croyance à une valeur traditionnelle pour que son mari ait un héritier qui la pousse à ça. Mais si vous la prenez comme ça, au pied de la lettre, vous avez là une femme que c'est pas la société au sens classique du terme qui pèse sur elle. C'est la société qu'elle a intégrée, qu'elle a intériorisée et renforcée par ses propres sentiments de culpabilité qui vient sans doute d'ailleurs. La grande difficulté de la psychanalyse en Algérie, c'est qu'une fois qu'il y a des effets, c'est très difficile de les assumer socialement. C'est très difficile d'assumer cette nouvelle personne qu'on est devenue socialement. Karima Lazali, psychanalyste. Et quand l'espace social ne vous permet pas de laisser vivre ces conflits intérieurs et ces contradictions, ça crée quelque chose de très paradoxal que de faire une analyse, c'est qu'à la fois quelque chose de nouveau est advenu et pourtant on ne peut pas l'éprouver à l'extérieur. Les exemples les plus voyants se retrouvent chez les homosexuels. Hommes et femmes, parce qu'il y en a beaucoup dans tous les milieux sociaux, et ils sont obligés de continuer à mentir. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est quand même très fou, c'est de continuer à mentir après une analyse et à vivre dans la dissimulation. On peut faire le choix de dire ou de ne pas dire, c'est autre chose que de devoir mentir. Ce qui qui est questionnant dans le rapport à la psychanalyse, c'est est-ce qu'on peut faire une analyse sans se sentir citoyen ? Qu'est-ce que c'est que s'éprouver comme sujet de sa parole alors qu'on n'est pas citoyen ? Alors, soit on s'éprouve comme sujet de la parole, mais c'est une espèce d'îlot sauvage qui reste dans l'intimité du cabinet, mais ça ne mène pas bien loin. Ou alors, on s'éprouve véritablement comme sujet de sa parole, mais une fois qu'on est dehors, on est interdit d'être sujet de sa parole. Donc, l'avenir de la psychanalyse dépend de comment va se négocier cette évolution. On ne peut pas décrocher la psychanalyse de là où elle a lieu. On pourrait dire faire une analyse à Paris, à Alger, à Beyrouth, je ne sais pas où, c'est exactement pareil, jusqu'à un certain point. À un moment donné, ça n'est plus pareil. Ça n'est plus pareil parce qu'être sujet n'est pas reçu de la même manière. Quel que soit le type de religion que l'on a, plus la religion pèse sur vous, plus la modernité est poussée à la périphérie. Khaled Aït Sidoum, psychanalyste. C'est-à-dire notre conscience, notre jugement, j'allais dire, il est presque kidnappé par autre chose. Il est pris par nos croyances. Alors, ça ne dépend pas est-ce que musulman ou pas, mais ça dépend du niveau d'adhésion au système religieux, quel qu'il soit. Plus l'adhésion religieuse pèse, plus forcément la modernité, elle va se trouver marginalisée. Parce que la modernité, quand vous regardez très bien, elle renvoie à la rationalité, à la science, qu'on le veuille ou non. Toute religion est une entrave à la modernité. Et bien entendu, je ne peux pas exclure que si je regarde l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie des années 70, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pratiques religieuses, beaucoup plus d'adhésion à la religion aujourd'hui qu'hier. Et donc forcément, l'ouverture sur la modernité était d'une certaine manière plus facile hier qu'aujourd'hui. Autrefois émigré de sa culture, l'autochtone l'explore aujourd'hui avec fougue. Il s'agit alors d'épousailles continuées. L'ancien infériorisé est en état de grâce. État de grâce et agressivité sont deux constantes retrouvées à ce stade. L'agressivité étant le mécanisme passionnel permettant d'échapper à la morsure du paradoxe. La culture a été effacée au profit d'une culture artificielle. On a affaire à une culture artificielle et pas une culture ancestrale. À commencer par la manière dont s'est imposée la langue arabe, littérale, écrasant et le mazir et l'arabe algérien, écrasant tout ce qui relevait d'une histoire. Tout a été fait comme si l'histoire de l'Algérie commençait à la colonisation française. On a évacué l'histoire de l'Algérie pour mettre une espèce de degré zéro de commencement de l'histoire artificielle à la colonisation. Il y a quelque chose dans les mentalités assez coriaces qui est la manière dont, après l'indépendance et depuis l'indépendance, chacun relaye la destruction coloniale en pensant qu'il répare la destruction coloniale. Et donc la destruction se répète. Mais le problème, c'est qu'il n'y a eu qu'une simple substitution. On est passé de la langue française à la langue arabe littérale. On est passé d'une position d'indigène hors droit, hors citoyenneté, à une soi-disant position citoyenne, mais qui est un titre vide. Tout ça est très subtil, parce que c'est quand même un État qui se veut démocratique. Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est pas tant la question de l'État. L'État n'est pas tout puissant. C'est comment des individualités, dans leur tête et à leur insu, sont pris dans des phénomènes de répétition. Et que, comme il y a ce déficit culturel, rien n'arrête cette répétition. Quand la culture est mise au travail, il y a des trouvailles qui se produisent et qui arrêtent des hémorragies internes. Quand la culture est déficitaire, vous êtes seule avec votre hémorragie interne. Il y a à la fois ce qui revient de la responsabilité subjective, il y a aussi ce qui revient d'une responsabilité collective. Est-ce qu'en Algérie, nous sommes prêts à changer de système, c'est-à-dire à changer de mentalité? Qu'est-ce qui se passe quand un être humain s'est trop bien habitué aux cassures? À un moment, on peut se demander, finalement, à force de vivre dans un système comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on devient complaisant, où ça devient trop difficile de vouloir changer de système seul, pour soi-même? Est-ce qu'il y a un moment où on n'est pas dans un raisonnement de confort, à se dire, bah, après tout, comme on dit en algérien, tabac, c'est-à-dire je pousse, après tout, je me maintiens et je me laisse pousser? Avec les psychanalystes Karima Lazali, Ali Cherki, Faïqa Medjahed et Khaled Aït Sidoum. Les psychiatres Jamila Mebtouche et Abderrahmane Belaïd. La psychologue Malika Neymar et Asiba et Saïda. Islam sur le divan, un documentaire de Seham Boutata, réalisé par Alexandra Longuet, mixage Vincent Venet. Avec le soutien de Gulliver, une initiative conjointe de la SACD, la SCAM, la RTBF, la SACD France, la SCAM France, la SSA, Proliteris et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez sonder vos lapsus, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour vous décider ou nous réécouter pour vous convaincre, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, dernière étape, psychanalyse et monde musulman, Paris, le besoin de croire.